Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 36. De la manifestation de la naissance du Christ. La naissance du Christ n'a pas dû être manifestée à tous les hommes, mais elle a dû l'être à quelques-uns. À qui? De quelle manière a-t-elle dû l'être? Ordre des manifestations. Nature de l'étoile qui apparut aux mages. Adoration des mages. 1. La naissance du Christ a-t-elle dû être manifestée à tous les hommes? Le prophète Isaïe disait, 45, 15, vous êtes vraiment un Dieu caché, Saint d'Israël, notre Sauveur. Et encore, son visage nous a été caché, il était comme un objet de mépris. 53.3. La manifestation de la naissance du Christ faite à tous les hommes eût été un obstacle à la rédemption du genre humain, accomplie par la croix. Si les Juifs avaient connu le Seigneur de gloire, disait l'apôtre, ils ne l'auraient point crucifié. 1 Corinthiens 2, 8. Une telle manifestation aurait, outre cela, diminuer le mérite de la foi, par laquelle le Christ voulait justifier les hommes, selon cette parole du même apôtre, la justice de Dieu est produite par la foi du Christ. Romains 3, 22. Admettez, en effet, que des signes évidents eussent révélé cette naissance aux yeux de tous, ou serait, à son égard, la matière de la foi, appelé par l'apôtre l'argument des choses que l'on ne voit point, Hébreux 11, 1. Enfin, si on n'avait pas vu le Christ passer de l'enfance à la jeunesse, prendre de la nourriture et du sommeil, on aurait pu douter qu'il réellement revêtu la nature humaine, et, à force de merveilles, il aurait rendu inutiles les œuvres de sa miséricorde. Note. Le second avènement du Sauveur sera manifeste pour tous. Le premier, qui opère le salut par la foi, a dû être un blé caché jusqu'au jour où il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations. » Matthieu 28, 19. Fin de la note. 2. La naissance du Christ a-t-elle dû être manifestée à quelques-uns? Tel est l'ordre établi par la divine sagesse, que les dons et les secrets divins n'arrivent pas de la même manière à tous les hommes, ils parviennent immédiatement à quelques-uns, qui les transmettent ensuite aux autres. Ainsi en a-t-il été de la naissance du Christ, elle a dû être manifestée à quelques-uns, qui puissent ensuite en transmettre la connaissance au monde. Note. S'il eût été préjudiciable au salut des hommes que le Christ manifesta sa naissance dès le principe aux yeux de tous, il ne l'aurait pas été moins qu'il ne l'eût fait connaître à personne. Dans l'un et l'autre cas, la foi aurait été impossible, dans le premier, la vérité de sa naissance aurait été évidente, dans le second, personne n'aurait pu l'attester à d'autres. Marie et Joseph, à qui il appartenait de lui rendre, soit avant, soit après sa naissance, les devoirs qui lui étaient dus, furent les premiers instruits. Mais, comme leur témoignage, renfermé dans les limites de la famille, eût pu paraître suspect, il fallait que ce mystère fût révélé à des étrangers, dont le témoignage n'exciterait aucune défiance. Fin de la note. 3. Ceux à qui la naissance du Christ a été manifestée ont-ils été convenablement choisis? Le Christ a dit lui-même, « Je sais qui j'ai choisi. » Jean 13, 18. Il s'est manifesté à toutes les conditions humaines, afin de marquer, sans distinction d'homme ni de femme, de juif ni de gentil, de libre ni d'esclave, qu'il venait apporter le salut au genre humain. Colossiens 3:11. Les bergers étaient israélites, les mages, gentils, ceux-là venaient de près, ceux-ci de loin. Les uns représentaient la science et la puissance, les autres étaient simples et sans crédit. Il s'est manifesté à des justes, à Siméon et à Anne, à des pécheurs, aux mages, à des hommes et à des femmes, on le voit par Anne et Siméon. Il révélait de la sorte que personne n'est exclu du salut. Note. Les bergers, prémices des Israélites, vinrent les premiers, parce que la grâce a d'abord été annoncée aux Juifs, les mages vinrent après, comme prémices de la gentilité. Remarquons que l'ange chargé de manifester la naissance du Christ n'alla pas vers les scribes ni vers les pharisiens, hommes perdus de corruption et dévorés d'envie. Il s'adressa à des gens simples, aux bergers, dont la vie retraçait celle des patriarches. Fin de la note. 4. Le Christ devait-il manifester sa naissance par lui-même? Si la foi, par laquelle nous opérons notre salut, consiste à confesser que le Christ est Dieu et homme, il ne fallait pas que son humanité fût rendue douteuse par l'éclat de sa divinité. Pour ce motif, il a dû, à sa naissance, se montrer faible comme les autres enfants, en même temps qu'il obligeait les créatures à rendre témoignage à sa puissance divine. Ainsi, ce n'était pas par lui-même qu'il devait manifester sa naissance. Note. Il s'est d'abord révélé par les créatures, pour se manifester ensuite lui-même. Tel se tait, dit le sage, parce qu'il sait qu'il y a un temps pour parler. Ecclésiastique 20, 6. En ne faisant point de miracle dès les premières années de sa vie, il prouva sa sagesse. Fin de la note. 5. La naissance du Christ a-t-elle dû être manifestée par des anges et par une étoile? Les œuvres de Dieu sont parfaites. Deutéronome 32, 4. La manifestation de la naissance du Christ fut une œuvre divine, croyons qu'elle fut accomplie par les moyens les plus convenables. Une manifestation doit toujours se faire par des signes connus d'avance. Les justes sont ordinairement éclairés par un mouvement intérieur de l'Esprit Saint sans signes extérieurs, mais il n'en est pas de même des hommes livrés à leur sens. Aussi, tandis que Siméon et Anne apprirent la naissance du Christ par une inspiration secrète, les Juifs et les gentils, adonnés aux choses matérielles, en eurent connaissance par des apparitions sensibles. Les Juifs étant accoutumés aux apparitions angéliques et les mages habitués à la contemplation des astres, il convenait que la naissance du Sauveur fût révélée aux bergers par des anges, et hommage par une étoile. Comme une telle naissance portait un caractère céleste et divin, elle fut manifestée aux uns et aux autres par des signes célestes. Si les anges, dit saint Augustin, habitent les cieux, les astres en sont l'ornement. Les astres et les anges furent chargés, en cette occasion, de raconter la gloire du Très-Haut. Note. Loin de maintenir les mages dans leur erreur, l'étoile contribuait plutôt à les en retirer. Les astrologues, qui font dépendre de la marche des astres le sort des hommes, ne disent pas que les corps célestes changent de cours à la naissance d'un enfant. Les mages furent guidés sans doute par la prophétie de Balaam, qui avait dit « Une étoile s'élèvera de Jacob ». Peut-être aussi furent-ils avertis par les anges d'aller au Christ comme à leur sauveur. Ainsi que le dit saint Léon, outre la splendeur céleste, un rayon plus éclatant de la vérité vint éclairer leur cœur. Ce rayon n'était autre que l'illumination de la foi. Fin de la note. 6. La naissance du Christ a-t-elle été manifestée dans l'ordre convenable? La naissance du Christ fut manifestée au berger la nuit même où est le lieu, au mage 13 jours après, et le 40e jour de juste Siméon et Anne. La raison de cet ordre, c'est que les bergers représentaient les apôtres et les autres juifs qui crurent au Christ, parmi lesquels il n'y avait ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Les mages préfiguraient la foi des nations. Les deux justes représentaient la partie de la nation juive qui n'embrassera la foi que dans les derniers temps, et voilà pourquoi le Christ leur fut manifesté dans le temple même des Juifs. 7. L'étoile qui apparut aux mages était-elle l'une des étoiles du ciel? Saint Augustin a dit, cette étoile n'était pas du nombre de celles qui, depuis l'origine du monde, accomplissent, sous la loi du Créateur, leur course régulière dans les cieux. Elle était un astre nouveau qui manifestait le merveilleux enfantement de la Vierge. En effet, cette étoile, ainsi que le prouve la position de la Perse par rapport à la Judée, allait du nord au midi, elle brillait en plein jour, paraissait et disparaissait tour à tour, s'arrêtait quand les mages devaient s'arrêter, et elle s'inclina vers la terre pour montrer distinctement la maison où était né l'enfant Jésus. Une telle marche n'est pas celle des étoiles, elle dénonçait plutôt une puissance spirituelle rendue visible par un éclat extérieur ou un météore que la volonté divine faisait mouvoir à son gré. 8. Convenait-il que les mages vinssent adorer le Christ? Isaïe 63, prophétisant, disait, « Les nations marcheront à votre lumière, et les rois à la splendeur de votre naissance. Or, quiconque est guidé par la lumière divine n'est pas exposé à des démarches inconsidérées. » Prémisse des nations qui devaient croire au Christ, les mages étaient comme une figure prophétique de la foi et de la ferveur des peuples qui viendraient l'adorer plus tard de toutes les extrémités du monde. De même donc que la foi et la piété des nations est préservée de toute erreur par l'inspiration de l'Esprit Saint, ainsi les mages, inspirés par ce même esprit, vinrent sagement lui offrir leurs adorations à son berceau. Note. Ils savaient que le nouveau-né était un roi tel, qu'en l'adorant ils obtiendraient leur salut. La liberté avec laquelle ils publièrent le but de leur voyage préfigurait la constance des gentils convertis à la foi, qui devaient confesser le Christ jusqu'à la mort. Si l'étoile se déroba à leur regard, ce fut afin que les Juifs eux-mêmes attestassent en quel lieu le Messie devait naître. Mais ceux-ci furent semblables aux ouvriers de l'arche, qui donnèrent à d'autres le moyen d'échapper au déluge, dans lequel ils devaient périr. On les compare encore très bien aux pierres miliaires qui, tout en restant immobiles, montrent la voie aux passants. Les mages, parcourant les rues de la ville de Jérusalem et demandant où était le roi nouvellement né, annonçaient publiquement sa naissance, prophétisé depuis longtemps dans ses paroles, la loi sortira de Sion, et la parole du Seigneur, de Jérusalem. Isaïe 2:3. Ils virent un homme, et, sur le témoignage de l'étoile, ils reconnurent un Dieu, auquel ils offrirent des présents conformes à sa dignité, de l'or, comme à un roi, de l'encens, comme à un dieu, de la myrrhe, comme à celui qui devait mourir pour nous. L'or pur est aussi le symbole de la sagesse chrétienne, l'encens, de la ferveur dans la prière, la myrrhe, de la mortification corporelle. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.